Le vent dans mes yeux, la pluie dans mes cheveux, je regarde le temps. Si tu voulais, on partirait avec le vent, on irait visiter les océans. Je pense à tous ceux que l'homme a connu Dieu. Pourquoi sont-ils partis? Si je pouvais, je parlerais avec les anges, leur dire qu'il faut que la vie change. Pourquoi attendent-ils ces hommes? Pourquoi la vie n'est-elle jamais jolie? Pour les enfants du firmament. Ma tête dans ma peur, mon cœur est une fenêtre qui laisse entrer la joie. Si j'étais un roi, alors je vous protégerais de tout ce qui arriverait. Pourquoi la vie est-elle si remplie de vie? Pourquoi le temps tue-t-il ces hommes? Pourquoi la vie n'est-elle jamais jolie? Pour les enfants du firmament.